Écoutez. Allô, le bureau de vente du Richmond? Oui, qu'y a-t-il pour votre service? J'ai laissé ma carte de visite dans la boîte aux lettres, mais je n'ai pas encore reçu votre documentation. Veuillez nous excuser. Je vais vous envoyer par la poste aujourd'hui même notre catalogue. Pouvez-vous me donner votre nom et votre adresse? André Lafoy, résidence Aramis, 22 cours Mirabeau, 1300 Aix-en-Provence. Mademoiselle, pouvez-vous me rappeler vos heures d'ouverture? Tous les jours de 13h30 à 19h, sauf le mercredi. Vous êtes intéressé par quel type d'appartement? Un 4 pièces. Nous avons encore deux 4 pièces disponibles. Au premier étage, un 4 pièces de 98 mètres carrés, plus 16 mètres carrés de balcon, à 1 112 000 francs. Il y a un parking? Oui, avec chaque appartement, il est possible d'avoir un parking pour deux voitures, mais ce n'est pas compris dans le prix. À quel étage est l'autre appartement? Au deuxième étage, il mesure 87 mètres carrés 40, plus 3 mètres carrés 40 de balcon, à 982 000 francs. Ces prix sont fermes et définitifs? Oui, monsieur. Merci, mademoiselle. Je vais réfléchir.